comprendre la Chine par son histoire. Bonjour et bienvenue à cette 16e émission de Prendre la Chine par son histoire. Carl Derry au microphone et il me fait extrêmement plaisir de vous accueillir à nouveau cette semaine. Alors qu'aujourd'hui, on poursuit avec la dynamique de la fête qu'on a lancée la semaine dernière pour célébrer la fin de la session. Alors pour celles et ceux qui viennent tout juste de terminer leurs examens cette semaine, je réitère tous les vœux prononcés la semaine dernière. Et pour rester bien ancré dans cette vibe particulière qu'est l'esprit de la fête, j'ajoute aujourd'hui le thème de l'amour. C'est un petit quelque chose de bien simple, un petit quelque chose dont tout le monde parle régulièrement, mais c'est un petit quelque chose qui semble cruellement manquer partout dans le monde, un petit quelque chose qui s'appelle tout simplement l'amour. Sur ce, pour commencer la rencontre d'aujourd'hui, je voudrais tout de suite répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois au cours des dernières semaines, concernant mes heures de bureau pour la saison hivernale. La réponse est oui. Je continue mes heures de bureau à tous les lundis, de midi à 14 heures, beau temps, mauvais temps, un prof à ciel ouvert dans le parc Victoria à Trois-Rivières. Alors que vous ayez des questions par rapport à notre cours sur l'histoire de la Chine, ou que ce soit pour de l'aide à l'écriture ou la correction de texte, n'hésitez pas à venir me trouver. La seule chose qui est à prévoir, par contre, si vous passez dans le coin, comme je n'ai aucun contrôle sur la météo, assurez-vous d'être habillé chaudement, parce que le vent d'hiver y est parfois très cinglant. Sur ce, quelques mots sur l'actualité. Avant de poursuivre notre récit historique, aujourd'hui, je voudrais parler brièvement du statut particulier de Hong Kong, l'une des deux régions administratives spéciales de la République populaire de Chine. On apprenait récemment dans les médias que le magnat de la presse hongkongaise, Jimmy Lai, a été reconnu coupable de publications séditieuses et de collusion avec l'étranger. On saura plus en détail la durée de son incarcération au cours des prochaines semaines, mais d'emblée, l'acte d'accusation ne fait aucun doute, alors qu'on lui reprochait de vouloir faire tomber le Parti communiste chinois tout en prétextant lutter pour la démocratie. Jimmy Lai était à la tête du journal Apple Daily et il a été arrêté en 2020 dans la foulée de l'établissement de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin, suite aux manifestations de 2019 visant à tuer dans l'œuf les velléités démocratiques qui gagnaient du terrain dans la population à Hong Kong. Soulignant les conditions de détention excessivement difficiles dans lesquelles il serait maintenu, les membres de sa famille demandent aux pays du G7, États-Unis, Canada et Royaume-Uni en tête, de faire pression sur la Chine afin qu'elle libère celui qui est considéré par plusieurs comme les plus ardents défenseurs de la démocratie dans le monde chinois. Dans toute cette saga, la réponse officielle des autorités chinoises est que Jimmy Lai n'est qu'un agent étranger à la solde de l'Occident et que de toute façon, comme il s'agit d'une question de politique intérieure et que la Chine refuse toute ingérence étrangère, les autres pays n'ont pas vraiment leur mot à dire sur le sujet. Quoi qu'il en soit, nous porterons attention au cours des prochaines semaines sur la situation entourant cette condamnation de Jimmy Lai et plus particulièrement sur le ballet diplomatique qui se jouera prochainement entre la Chine et ses partenaires commerciaux qui se disent ouvertement défenseurs de la démocratie et de la liberté d'expression. Nous reviendrons aussi sur la question du statut spécifique de Hong Kong, mais pour le moment, on va se tourner vers notre première pièce musicale de la journée qui est sur le thème de l'amour. Et pour ce faire, quoi de mieux que de revenir avec mon premier kick musical, avec celui qu'on appelle le père du rock'n'roll chinois, celui dont je vous ai dit qu'il jouerait régulièrement sur nos ondes, On revient donc aujourd'hui avec Thuétienne, qu'on n'avait pas entendu d'ailleurs depuis plusieurs semaines. La chanson que je vous offre ce matin est tirée, comme toutes celles que nous avons fait jouer depuis le début de la session, de son plus célèbre album, sorti en 1989, un album intitulé « Le rock'n'roll de la nouvelle longue marche ». La chanson s'intitule « Huafang Guniang », qu'on traduit en anglais par « Greenhouse Girl », soit « le jeune fille de la serre ». Mais pour refléter davantage l'histoire d'amour qui est racontée dans la chanson, je traduirais plutôt le titre par « Ma petite jardinière ». La chanson raconte comment un jeune homme, un peu bohème, rencontre une jeune femme qui faisait pousser des fleurs. Alors que celle-ci semble admirer l'élan de liberté du jeune homme, celui-ci se sent, de plus en plus, devenir comme les fleurs qu'elle entretient, dont elle seule connaît le secret et sait en prendre soin. Alors que son élan de liberté le pousse à explorer les horizons du monde, il sait pourtant, au fond de son cœur, qu'il ne saurait plus vivre sans elle. Voici donc Thuétienne avec la chanson « Huafang Guniang ». 我在这里不跟你，哦，我 Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous sommes maintenant prêts à poursuivre notre récit narratif sur l'histoire de la Chine à dos de tortue. Nous avons débuté la semaine dernière la section qui porte sur l'émergence d'une importante renaissance culturelle qui a lieu à l'époque de la dynastie Song. Parmi les éléments de cette renaissance culturelle, on trouve à l'avant-plan l'émergence de ce qu'on appelle le néo-confucianisme, longtemps associé au seul penseur Chu Xi, bien qu'il s'agisse là d'une simplification. En effet, on retrouve à l'époque de la dynastie Song une grande diversité de courants intellectuels qui partagent des caractéristiques communes et c'est l'ensemble de ces courants intellectuels qui constituent ce que nous désignons comme le néo-confucianisme. Les deux principales caractéristiques communes de ces courants sont d'abord une hostilité croissante à l'égard de l'impact du bouddhisme sur la société, parce que la religion est jugée trop contemplative et détachée du réel. Ensuite, on y trouve un attrait et une valorisation de ce qu'on appelle la tradition de la voie, Tao Tong, valorisé et initié par Confucius, défini sommairement comme l'idée d'un ordre légitime dans lequel sagesse morale et idéal politique sont intimement liés. Selon les néo-confucéens de l'époque des Song, la tradition de la voie, le fameux Tao Tong, est une tradition qui aurait été rompue avant l'unification impériale de 221 avant notre ère, et c'est la raison pour laquelle on cherche à la rétablir sous les Song en puisant ses ressources dans l'interprétation des classiques du passé. Ainsi, pour les penseurs néo-confucéens, même si les dynasties Han et Tang faisaient la promotion des textes classiques de la Chine, les deux dynasties s'appuyaient sur une légitimité qui était considérée moindre, une légitimité qui était fondée sur des bases pragmatiques et des idées qui étaient étrangères aux grands principes de la tradition chinoise. L'objectif principal du mouvement qu'on appelle le néo-confucianisme à l'époque de la dynastie Song, c'est un objectif qui est de contourner les héritages politiques et culturels teintés de bouddhisme et d'opérer un retour à ce qui est considéré comme la vraie tradition confucéenne, dont Mencius, qui a vécu entre 372 et 289 avant notre ère, est considéré comme étant le dernier vrai représentant de cette tradition. L'idée maîtresse qui ressort de ce mouvement est principalement de ramener l'action au cœur de la philosophie, en s'appuyant sur l'interaction entre le politique et la culture, soit entre le gouvernement, la société et le peuple. La clé pour les néo-confucéens, c'est donc de trouver un équilibre entre culture et politique, puisque sans l'inspiration de la culture pour le guider dans ses décisions, le gouvernement devient sanguinaire et immoral. Et sans l'attrait du service politique, la culture devient désincarnée et elle se détache du réel en se perdant dans des fabulations à n'en plus finir. En bref, on croit que la sagesse doit être mise au service du pays. Et pour cette raison, les néo-confucéens vont souligner à grands traits le lien direct qui existe entre le gouvernement de soi et le gouvernement du pays. Les frères Cheng Hao et Cheng Yi, qui ont vécu au 11e siècle, sont parmi les penseurs les plus influents de ce courant idéologique et ils sont parmi ceux qui ont profondément marqué la pensée de Chu Xi. Pour cette raison, on parle souvent de la pensée Cheng Zhu pour désigner le néo-confucianisme qui deviendra, à partir du 13e siècle, l'orthodoxie impériale qui est en vigueur jusqu'au 20e siècle, soit jusqu'à la fin de l'ère impériale. Considérant le personnage de Chu Xi, il a vécu entre 1130 et 1200, et c'est un personnage qui est souvent comparé avec Thomas d'Aquin comme figure historique d'importance, puisqu'il effectua un effort de synthèse monumental des classiques de la tradition chinoise, un effort qui est plus ou moins similaire à la synthèse entreprise par le théologien dominicain sur la tradition chrétienne. Comme plusieurs lettrés de son époque, Chu Xi a d'abord été marqué dans sa jeunesse par le bouddhisme Chan, qui était alors très en vigueur en Chine. Il a été aussi marqué par le taoïsme et c'est seulement vers l'âge de 25 ans qu'il s'est converti en quelque sorte au confucianisme et qu'il en est devenu le plus ardent défenseur. À partir de ce moment-là, Chu Xi va consacrer l'essentiel de son temps à l'étude, à l'examen et à l'écriture des commentaires au sujet des classiques de la tradition chinoise. Au final, Chu Xi fera beaucoup plus que Tong Zhongshu, dont nous avons déjà parlé, qui avait proposé une cosmologie impériale à l'époque de la dynastie Han. Alors que Chu Xi met en œuvre une philosophie holistique de l'univers en définissant de manière précise la place de l'individu dans le monde. Chu Xi va aussi définir les quatre livres classiques qui devraient être vus comme l'essence du confucianisme et qui vont s'ajouter aux classiques de l'Antiquité. Les quatre livres classiques de Chu Xi sont les Entretiens de Confucius, qu'on nomme le Luan Yu, le livre de Mencius, soit le Mengzi, puis la Grande Étude, Da Xue, et enfin l'Invariable Milieu, le Chongyong. Quand on parle de la pensée de Chu Xi, on réfère souvent à celle-ci comme étant l'école du principe, Li. Alors que le concept du principe est considéré comme la source, la nature fondamentale, voire la raison d'être des choses. Selon cette école de pensée, le principe est quelque chose qui est à la fois unique et absolu. Le principe est antérieur au monde sur le plan de la logique, bien qu'il ne puisse pas exister de principe sans énergie, ni d'énergie sans principe. Pour Chu Xi, le principe est à la fois transcendant et immanent, et il se diffracte à l'infini en fonction des énergies et des matérialités sur lesquelles il se pose. D'ailleurs, signe du métissage de sa pensée, le principe est considéré comme l'équivalent du fait suprême de la tradition taoïste chinoise, le Tai Chi, le sommet ultime, dont la polarité complémentaire est l'absence de fête, soit le outil. Si on tente de résumer les déclinaisons du principe dans notre monde, on pourrait dire que le principe Li se manifeste selon un rythme, un mouvement dynamique, un mouvement qui est changeant, selon une double polarité entre le mouvement et le repos, exprimée par l'alternance entre le yin et le yang. Et c'est l'ensemble de cette dynamique qui correspond à la voie, le Tao, dont l'empreinte, qu'on appelle le Qi, peut se mesurer à travers le prisme des cinq éléments, résultant en une infinité de déclinaisons qui correspondent aux variables de ce qui constitue l'humanité dans toute sa diversité, Ren. L'accès à la voie, Tao, qui est considéré la porte d'entrée de cette représentation holistique du monde, peut se faire par la cultivation morale, une cultivation morale qui repose d'une part sur l'étude méditative des classiques afin d'y déceler des vérités profondes et d'autre part un engagement en direction du service civique. En fait, l'individu, selon la vision néo-confucéenne du monde, est au service de la société parce que la cultivation morale transcende la dichotomie entre l'individu et la société. Essentiellement parce que cette cultivation morale accomplit une fusion de l'intérêt personnel et de l'intérêt social. Contrairement au perfectionnement de soi qui était professé par les bouddhistes et qui était considéré comme quelque chose de purement égoïste par les penseurs de l'époque Song, une pensée qui entraînait les individus à se couper de la réalité en cherchant à vouloir se sauver eux-mêmes pour eux-mêmes, le perfectionnement de soi des néo-confucéens, axé sur l'étude de la voie des sages et le respect de l'institution familiale, entraîne nécessairement l'individu vers une action politique. On voit très nettement ce lien entre la gouvernance de l'État, la gouvernance de la famille, de l'individu et du cœur dans ce commentaire de Chu Xi portant sur la grande étude. Et je cite « Ceux qui, dans l'Antiquité, voulaient illustrer la brillante vertu dans le monde, gouvernaient d'abord leur pays. Ceux qui voulaient gouverner leur pays, harmonisaient d'abord leur famille. » Ceux qui voulaient harmoniser leur famille se perfectionnaient d'abord eux-mêmes. Ceux qui voulaient se perfectionner corrigeaient d'abord leur cœur. Ceux qui voulaient corriger leur cœur rendaient d'abord leurs idées sincères. Ceux qui voulaient rendre leurs idées sincères portaient la connaissance au plus haut degré. Porter la connaissance au plus haut degré consiste à parvenir aux choses. Une fois parvenu aux choses, la connaissance atteint son plus haut degré. La connaissance, une fois à son plus haut degré, les idées deviennent sincères. Les idées, une fois sincères, le cœur est corrigé. Le cœur, une fois corrigé, on est alors perfectionné. Une fois qu'on est perfectionné, la famille devient harmonisée. La famille, une fois harmonisée, le pays devient gouverné. Le pays, une fois gouverné, le monde est alors en paix. Du Fils du ciel jusqu'aux gens de peu, tous prenaient le perfectionnement de soi pour fondement. Voilà donc pour les grands axes de la pensée de Chu Xi et pour le mouvement néo-confucéen qui s'appuie sur le perfectionnement de soi et sur la mise en valeur du cœur des individus comme fondement de l'ordre sociopolitique. Parlant du cœur de l'homme, on revient à notre thème de la journée qui est celui de l'amour. En fait, le moment est parfaitement choisi puisque, comme on le sait, la fête de Noël approche à grands pas Et même si pour plusieurs, c'est une fête qui est surtout synonyme de magasinage et d'une orgie de dépenses afin d'offrir les plus beaux cadeaux possibles, depuis ma tendre enfance, j'entends des chansons qui nous répètent année après année que Noël, c'est l'amour. J'ai pas envie d'embarquer ici sur un débat à savoir si les vendeurs du temple ont dénaturé l'esprit de la fête, mais parler de la fête de Noël et de l'amour dans une émission de radio qui porte sur la Chine, c'est beaucoup plus pertinent qu'on pourrait le croire au premier abord. Et je m'explique. Les grandes fêtes occidentales comme l'Halloween, Noël, la Saint-Valentin sont bien connues en Chine, mais avec des variantes et parfois des mélanges de traditions qui sèment parfois certaines confusions pour l'observateur étranger. En prenant uniquement la fête de Noël, on parle très peu de l'aspect religieux derrière la fête et c'est surtout l'aspect festif et consumériste qui est mis en valeur. Mais pour plusieurs jeunes, c'est aussi une occasion pour les amoureux de souligner l'affection qu'ils partagent, un peu comme si c'était en quelque sorte leur propre Saint-Valentin. Et comme la couleur rouge est à l'honneur dans toutes les célébrations chinoises, en particulier lorsque vient le temps de souligner l'affection partagée par les amoureux, la couleur rouge est au cœur de la prochaine pièce musicale qui s'intitule « Rivière rouge ». Honghe Yeqing, une pièce composée par Cheng Qinghong. La pièce est interprétée au pipa, en solo, par l'artiste Liu Fang, dans une version enregistrée en spectacle en 2018. Voici donc Rivière Rouge, interprétée au pipa par Liu Fang. Et nous, on se retrouve après la pause.